Baba je ne kufaka chaque jour. Flèche allée kenda kame sans retour. Bébé mon amour, okobo misanga pamba mama au secours. Aïe aïe aïe, tu me fais planer planer bébé. Avec toi je suis calé calé amour. Je te veux toute la night, te plaquer plaquer maman. Nalingaka soko yemba ngaina kate la konde magi.